Unité 53. Conversation. Écoutez. 1. Puisque de nombreuses auditrices nous l'ont demandé, l'émission d'aujourd'hui sera consacrée aux conserves. 2. C'est le moment de penser aux conserves d'asperges et aux confitures de fraises. 3. Pour que vos conserves soient réussies, il faut prendre certaines précautions. 4. Il est aussi indispensable d'avoir quelques notions sur la conservation. Répondez, répétez. 5. Pourquoi l'émission d'aujourd'hui sera-t-elle consacrée aux conserves? Parce que de nombreuses auditrices nous l'ont demandé, l'émission d'aujourd'hui sera consacrée aux conserves. Quelles conserves peut-on faire en ce moment? 8. C'est le moment de penser aux conserves d'asperges et aux confitures de fraises. 9. Je n'en ai jamais fait. Il y a des précautions à prendre? 10. Oui. Pour que vos conserves soient réussies, il faut prendre certaines précautions. 11. C'est tout? Non, il est aussi indispensable d'avoir quelques notions sur la conservation. 13. Les responsables de la destruction des substances organiques naturelles sont des micro-organismes. 14. C'est pourquoi, pour conserver un produit végétal, il faut bloquer ou ralentir leur action. 15. Dans ce but, on peut utiliser plusieurs techniques. 16. Avant tout, la conservation par le froid dans un congélateur. 17. Et il y a aussi la stérilisation dans des bocaux. 18. Et enfin, l'emploi de produits comme le vinaigre, le sucre, l'huile, qui empêche le développement de ces micro-organismes. 19. Toutes ces méthodes sont efficaces pour conserver fruits et légumes. 20. Désormais, les ménagères sont expertes en conservation. C'est aussi un moyen de faire des économies. Répétez. 21. Les responsables de la destruction des substances organiques naturelles sont des micro-organismes. 22. C'est pourquoi, pour conserver un produit végétal, il faut bloquer ou ralentir leur action. Dans ce but, on peut utiliser plusieurs techniques. 24. Avant tout, la conservation par le froid dans un congélateur. 25. Et il y a aussi la stérilisation dans des bocaux. 26. Et enfin, l'emploi de produits comme le vinaigre, le sucre, l'huile, qui empêchent le développement de ces micro-organismes. Toutes ces méthodes sont efficaces pour conserver fruits et légumes. 28. Désormais, les ménagères sont expertes en conservation. C'est aussi un moyen de faire des économies. 29. Qu'est-ce qui est à l'origine de la destruction des substances organiques naturelles? 30. Les responsables de la destruction des substances organiques naturelles sont des micro-organismes. 31. Alors que faut-il faire pour conserver un produit végétal? 32. C'est pourquoi, pour conserver un produit végétal, il faut bloquer ou ralentir leur action. 33. Pour atteindre ce but, comment faire? 34. Dans ce but, on peut utiliser plusieurs techniques. 35. Quelle méthode peut-on utiliser? 36. Avant tout, la conservation par le froid dans un congélateur. 37. Ou encore? 38. Il y a aussi la stérilisation dans des bocaux. 39. Et enfin? 40. Et enfin, l'emploi de produits comme le vinaigre, le sucre, l'huile, qui empêchent le développement de ces micro-organismes. Elles sont toutes efficaces. 42. Toutes ces méthodes sont efficaces pour conserver fruits et légumes. 43. Les ménagères les utilisent? 44. Oui, désormais, les ménagères sont expertes en conservation. C'est aussi un moyen de faire des économies. 45. Parlons d'abord de la congélation. 46. Évidemment, cela suppose d'acheter un congélateur, mais si on sait l'utiliser, il est vite amorti. 47. Puisque c'est le moment des asperges, voyons comment procéder pour les congeler. 48. Il vous faut des asperges qui ont été cueillies le matin même, si possible. C'est le secret de la réussite. 49. Ensuite, vous les pelez, vous les lavez, vous les faites blanchir. 50. Pour les blanchir, il vous faut les plonger quelques minutes dans l'eau bouillante. 51. Ensuite, elles seront séchées et placées dans un sac. 52. Il ne vous reste plus qu'à les mettre au congélateur où vous pourrez les conserver entre 6 mois et 1 an. Répétez. 53. Parlons d'abord de la congélation. 54. Évidemment, cela suppose d'acheter un congélateur, mais si on sait l'utiliser, il est vite amorti. 55. Puisque c'est le moment des asperges, voyons comment procéder pour les congeler. 56. Il vous faut des asperges qui ont été cueillies le matin même, si possible. C'est le secret de la réussite. 57. Ensuite, vous les pelez, vous les lavez, vous les faites blanchir. 58. Pour les blanchir, il vous faut les plonger quelques minutes dans l'eau bouillante. 59. Ensuite, elles seront séchées et placées dans un sac. 60. Il ne vous reste plus qu'à les mettre au congélateur où vous pourrez les conserver entre 6 mois et 1 an. 61. Quel procédé voyons-nous d'abord? 62. Parlons d'abord de la congélation. 63. Mais alors, il faut avoir un congélateur. 64. Évidemment, cela suppose d'acheter un congélateur. Mais si on sait l'utiliser, il est vite amorti. 65. Pouvez-vous, avec un exemple, m'expliquer comment il faut procéder? 66. Oui, Puisque c'est le moment des asperges, voyons comment procéder pour les congeler. Soixante-sept. J'achète des asperges au marché. Soixante-huit. Oui, il vous faut des asperges qui ont été cueillies le matin même, si possible. C'est le secret de la réussite. Soixante-neuf. Et je les pèle ? Soixante-dix. Oui, ensuite vous les pelez, vous les lavez, vous les faites blanchir. Soixante-et-onze. Comment s'y prend-on pour les blanchir? Soixante-douze. Pour les blanchir, il vous faut les plonger quelques minutes dans l'eau bouillante. Soixante-treize. Et après? Soixante-quatorze. Ensuite, elles seront séchées et placées dans un sac. Soixante-quinze. Et je les mets au congélateur? Soixante-seize. Oui. Il ne vous reste plus qu'à les mettre au congélateur où vous pourrez les conserver entre 6 mois et 1 an. Écoutez. 77. Passons maintenant à la stérilisation. 78. Ne disposant pas d'un stérilisateur, une cocotte minute fait très bien l'affaire. 79. Vous placez vos légumes avec un peu d'eau et de sel dans des bocaux que vous fermerez hermétiquement. 80. Pour éviter qu'ils se cassent, vous pouvez les envelopper dans des chiffons avant de les mettre dans la cocotte. 81. Vous plongez les bocaux dans l'eau et vous faites bouillir pendant une bonne demi-heure. 82. Après qu'ils ont été stérilisés, vous les laissez refroidir dans la cocotte. Répondez, répétez. 83. Et maintenant, à quoi passons-nous? 84. Passons maintenant à la stérilisation. 85. Mais alors, il faut un stérilisateur? 86. Non. Ne disposant pas d'un stérilisateur, une cocotte minute fait très bien l'affaire. 87. Comment faut-il faire? 88. Vous placez vos légumes avec un peu d'eau et de sel dans des bocaux que vous fermerez hermétiquement. 89. Les bocaux ne risquent pas de se casser? 90. Pour éviter qu'ils se cassent, vous pouvez les envelopper dans des chiffons avant de les mettre dans la cocotte. 91. Combien de temps doivent-ils bouillir? 92. Vous plongez les bocaux dans l'eau et vous faites bouillir pendant une bonne demi-heure. 93. Et on peut les sortir tout de suite? 94. Non. Après qu'ils ont été stérilisés, vous les laissez refroidir dans la cocotte. 95. Il ne faut pas oublier qu'on peut faire des conserves avec de l'huile, du vinaigre, du sucre. 96. Les cornichons, par exemple, se conservent dans du vinaigre avec quelques aromates. 97. Les artichauts, les aubergines, les olives peuvent être conservés dans de l'huile d'olive de préférence. 98. Le sucre est utilisé pour les confitures. Répondez, répétez. 99. Mais on peut aussi utiliser de l'huile, du vinaigre, du sucre. Oui, il ne faut pas oublier qu'on peut faire des conserves avec de l'huile, du vinaigre, du sucre. Comment fait-on pour les cornichons? 102. Les cornichons, par exemple, se conservent dans du vinaigre avec quelques aromates. 103. Et pour les artichauts? 104. Les artichauts, les aubergines, les olives peuvent être conservés dans de l'huile d'olive de préférence. 105. Et le sucre? Pourquoi l'utilise-t-on? 106. Le sucre est utilisé pour les confitures.